Toujours à la même occasion, les journaux de divers pays ont fait paraître des numéros spéciaux titrés « Le dirigeant Kim Jong-il et le Mont Baekdu de la Corée, la journée de la brillante étoile en République populaire démocratique de Corée, etc. » Les journaux ont présenté le portrait en sourire et les photos du général, ainsi que les photos du maréchal Kim Jong-un. Le journal malaisien Guangmin Dibao, le laotien Kanta Pasason Lao, l'indonésien Quotidien International et le birman The New Age ont exalté le général Kim Jong-il qui a manifesté dans le monde entier la dignité de la Corée et fait un apport impérissable dans la réalisation de l'émancipation de l'humanité avec son intelligence idéologique et théorique distinguée et son éminent leadership. Par ailleurs, la revue hongkongaise de Chine, Lions Internationaux, a rédigé un écrit en l'honneur de sa brillante vie entièrement consacrée pour la prospérité et l'avenir radieux de la Corée, avec les impressions des personnalités de divers pays. À cette occasion, la revue a présenté le portrait en sourire et les photos du général.